Bonjour. J'aimerais parler de certaines affaires. Il y a certaines choses que, bon, j'ai pas beaucoup de temps en ce moment, mais je vais faire un certain ménage par rapport à des choses qui sont devenues hors contexte parce que le temps avance. Le contexte change. Mais là, de plus en plus, il appuie beaucoup, si vous regardez au niveau de l'agenda, un petit peu de ce qu'on peut voler. Certains groupes, bon. On est beaucoup en ce moment dans la promotion des champignons magiques au niveau thérapeutique. Puis si vous regardez les reportages par rapport à ça, vous allez vous rendre compte que tout le temps, c'est quoi les milieux liés à ça? Puis il y a tout le temps un fond de nouvel âge ou lié au chamanisme, des choses comme ça. Puis il va y avoir dans le futur possiblement des cliniques subventionnées par les gouvernements, notamment au Québec. Où il va y avoir des thérapies liées aux champignons magiques, puis ça va être lié aussi à certaines notions de nouvel âge. Notamment, j'ai vu un reportage. Dedans, il y avait un bol, ce qu'on appelle des bols tibétains, entre guillemets, mais ça vient plus de Californie que du Tibet, ces affaires-là. C'est plus lié au nouvel âge qu'au bouddhisme. Entre autres, on pourrait parler le chamanisme, entre autres, qui nous vient d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud. Par rapport à ces cultures-là, c'est comment ça dit dans l'annonce de Super C, partout, partout, c'est partout, partout, dans le sens qu'on a connu une forte immigration d'Amérique du Sud, puis le Nouvel Âge, qui est quelque chose, comment je pourrais dire ça, c'est un peu un melting pot, hein, puis sont portés à assimiler ce qui, bon, ok, donc par rapport à ces pratiques-là, il y a souvent des immigrants, entre guillemets, catholiques. Pourquoi? Parce que le catholicisme, au niveau rituel, il y a des aspects magiques. C'est pas incompatible avec d'autres choses. Donc, si vous regardez, bon, le sud des États-Unis, il y a le Houdou, par rapport à Haïti, il y a le Vaudou, par rapport à l'île de Cuba, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, il y a la magie mexicaine, mais il y a aussi la Santeria, les Santeros. Donc, au niveau par rapport à des gens à qui j'ai déjà jasé en privé, je leur disais, parce qu'ils voulaient savoir qu'est-ce qu'il y a dans leur ville, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a dans leur coin. Juste pour savoir. C'est vrai que c'est présent partout. Puis je leur disais, vous allez dans des petites boutiques Nouvel Âge, puis vous regardez les pamphlets. Il y a tout le temps des petits pamphlets. Puis comme ça, vous pouvez vous rendre compte que dans votre ville, par exemple, ben, il y a la morgue. Beaucoup de villes au Québec, dès qu'il y a un certain nombre d'habitants, il y a des conférences de la morgue. C'est lié, entre autres, avec le municipal, puis ça se passe dans les bibliothèques publiques. Carrément, là. Il y a des filiales de l'Auto-Templum Orientis, souvent liées des fois à des affaires de commissions scolaires. Des choses comme ça. Prenez, dans les années 80, il y a Luc Jouret qui passe chez Richard Glenn. Ça aide à un certain recrutement, puis tout. Puis 11 ans plus tard, il y a 9 morts, là, dans les Laurentides. Notamment avec des gens très importants, là. Des hauts cadres, c'était pas des gens éduqués, des gens instruits. C'est dans certaines couches à s'élever de la société que ces choses-là vont avoir une certaine influence. C'est pour ça que après il y a des mises en place, comme on voit par rapport les thérapies liées aux champignons magiques. Par exemple, comme vous voulez savoir, est-ce qu'il y en a des affaires liées à du chamanisme, genre Amérique du Sud, dans votre ville? Vous allez dans une pharmacie. Les pharmacies vont tenir certains articles de toilette selon la demande. Donc, vous allez dans une pharmacie bien connue de votre coin, puis ici, il y a ça ici. C'est quoi ça? C'est de l'eau de Floride. Bon, l'eau de Floride, c'était fait à New York, ça date des années 1830. La recette, comme celle-là, vous voyez, elle est comme bleutée. Ceux de la aftershave, ceux de l'eau de toilette. Mais ça, dans la Santeria, entre autres, ils servent de ça. Donc, ça veut dire qu'il y a une demande dans votre ville, s'il y a ça. Sur les tablettes, parce que c'est pas dans les articles de commande habituels des pharmacies depuis. Ça a déjà fait partie de ce qu'il y avait toujours dans des pharmacies, parce qu'on lui a longtemps prêté toutes sortes de propriétés à ça. Mais il reste que, s'il y a ça, C'est assez louche, là. Vous pouvez être sûr à peu près à 50% que il y a du monde qui la demande puis qui s'en servent, notamment dans des affaires chamaniques. Bon, là, vous voyez, l'étiquette, elle va dans un certain sens. Le bouchon est noir. Le liquide, il est bleu. C'est comme bleu-vert, là. Par contre, s'il y a ça ici, là, la bouteille est plus grosse. L'étiquette est légèrement différente. L'étiquette va dans l'autre sens. Le seau, là, le bouchon est blanc. La bouteille est plus grosse. Puis elle est texturée. Il y a des lignes ici. Là, vous pouvez être sûr 100%. S'il y a ça dans une pharmacie, dans votre coin, ça veut dire qu'il y a de la demande. Il y a des gens qui en achètent régulièrement. Ça, l'étiquette est légèrement différente. Dessus, ça va être écrit Pérou. New York, Pérou. Là, on est dans le chamanisme comme il y a en Amérique du Sud. Puis, aussi dans le Nouvel Âge, là, il y a du monde qui sort de ça. Donc, bon, le lien avec le catholicisme. L'affaire, c'est que le catholicisme, il y a des aspects liturgiques qui sont pas loin de la pensée magique antique. Pour les vaudoises, il est tout à fait compatible d'aller à l'église puis de prier devant des statues de saints, mais au fond, c'est les lois qui vont. Parce que c'est des forces que il n'y a pas de contact sans commerce. Il n'y a pas de contact sans commerce. Les santeros, les autres, ça va être les orishas. Mais ils vont faire des cultes par rapport à des saints catholiques. Mais au fond, c'est les orishas qui sont des divinités. Des divinités entre parenthèses, de la nature. L'affaire, c'est qu'il y a eu, à certaines époques, des liens qui se sont faits entre le chamanisme d'Amérique. Certaines pratiques qui venaient de l'Afrique. Pourquoi? À cause dans le tel marché des esclaves. Il y a eu des mélanges. Puis c'est maintenant, aujourd'hui, étrangement, comme prenez la mode, par exemple. La mode, souvent, elle va venir de la rue, puis elle va finir dans la haute société, pareil. Il va avoir c'est une influence qui part d'en bas puis qui monte. C'est pareil avec ces affaires-là. C'est-à-dire que de nos jours, les gens qui sont adeptes de ces pratiques-là, des fois, c'est pas des gens pauvres. C'est pas des gens sans influence. D'où le fait que, insidieusement, ça va finir s'infiltrer dans des pratiques qui peuvent être subventionnées gouvernementalement dans le futur. Pour ça, de être au courant de certaines choses pour les voir. Pour les voir. Puis, je suis pas en train d'ostraciser les gens qui ont ces pratiques-là, là. Moi, je m'adresse à des gens qui savent que qu'avoir commerce avec certaines forces, ben, à un moment donné, tout se paye. Tout se paye. Donc, si vous êtes dans cette optique-là, moi, je vous dis, gardez l'œil ouvert. Observez. Observez. Puis vous allez voir que ces pratiques-là sont de plus en plus partout, partout. Hein? Comme dans l'annonce de Super C. Souvent, ça va être des micro-sociétés, d'une certaine façon, c'est des sociétés initiatiques, notamment les vaudouins, puis bon. Puis, ils vont avoir des titres, qui est un peu leur nom de praticien, si vous voulez. Comme dans le vaudou à Montréal, il y a des princesses. Il y a des princesses, puis. Il y a aussi des groupes plus traditionnalistes, puis il y a de la chicane entre les deux. Ils se chicanent, là. C'est assez passionné. C'est assez passionné. Puis même, il peut y avoir des oppositions par rapport à ce qui se passe en Haïti. Parce que, bon, il y en a qui se donnent des titres, puis qui. C'est ça. Donc, ces pratiques-là sont plus répandues que les gens pensent. C'est en train d'entrer dans la culture populaire d'une façon parasitaire. Tant qu'à moi, là. Mais regardez, il reste que l'âme des Canadiens français, l'âme catholique, se prête à ça. Les catholiques n'avaient pas d'inconvénients à monter des petits hôtels à Saint-Antoine-de-Padoue, derrière des boutiques au 19e siècle. Là, les gens qui avaient perdu un objet, ils allaient faire des petites prières à Saint-Antoine-de-Padoue, puis ils mettaient de l'argent dans un pot. Puis bon, l'âme québécoise se prête à ça. Les gens sont. Prenez, j'ai remarqué, les Haïtiens vont souvent, quand ils sont chrétiens, ils vont aller vers le pentecôtisme. Mais les Vaudois, c'est basé un peu sur la possession, leur pratique. Donc, le pentecôtisme, c'est un peu, ils remplacent une bébelle par une autre, mais c'est encore de se faire se chevaucher par quelque chose. Puis les pentecôtistes, quand ils pensent qu'ils parlent en langue, puis qu'ils se tordent d'affaires, c'est assez spécial à voir. Là, on n'est pas loin de certaines pratiques, notamment qu'il y a à Haïti, qu'il y a dans les Caraïbes, qu'il y a en Amérique centrale, qu'il y a, bon. Quoique le Mexique, c'est un cas particulier, parce que là, la magie mexicaine, il y a des anciennes affaires qui viennent des peuples précolombiens d'Amérique centrale, puis qui vont s'être greffés au catholicisme espagnol. Donc, l'affaire, bon, c'est quoi le monde de la mort, puis c'est quoi ces affaires-là? Il y a tout un lien assez fort avec le monde de la mort, hein? Il y a une dame à Montréal qui fait des émissions communautaires de cuisine, puis tout, puis je crois qu'elle est probablement originaire du Venezuela. Il y a tout le temps un crâne en céramique mexicain sur sa table. Elle a des tatous de crâne. Elle a une bague avec un crâne. C'est une personne joyeuse, sympathique, puis tout. Mais il reste que de comprendre c'est quoi qu'il y a derrière les formes. C'est quoi qu'il y a derrière les formes? Comment c'est fort? C'est fort, ces influences-là. Puis ça va tout le temps commencer par une certaine fascination. Là, on peut parler de fascination quand vous avez des crânes partout autour de vous. Bon. Puis là, dernièrement, il y a de plus en plus des articles de journaux qui nous vendent les cures chamaniques, puis la prise de certaines affaires. Les sept de plus en plus dans la culture populaire, comme le San Pedro, le cactus San Pedro, l'ayahuasca. Toutes des choses qui peuvent engendrer des psychoses toxiques. On est dans l'ordre, entre autres, de l'empoisonnement alimentaire. Comme par exemple, pourquoi ils vont se servir de ça? C'est pour purifier les corps. Subtils qui font ça. Ouais, mais vous savez, c'est un peu comme la dépendance à un médicament. À un moment donné, si vous avez besoin de ça, il y a un problème. Souvent, ils vont vous verser sur les mains, la nuque, puis ils vous frottent le cou, là. Ouais. Bon, ben, je pense que c'est correct. C'est ça que je voulais dire. Donc, regardez. Moi, c'est juste pas. Je suis pas en train de nécessairement de condamner ou de faire la promotion, au contraire. Ce que je vous dis, c'est observez-le. Vous allez voir. C'est en train de s'implanter en Occident, ces choses-là. Puis, c'est pas d'hier, là. C'est tranquillement. Regardez dans les années 80-90 la fascination qu'il y a eu pour tout ce qui touchait les Templiers. Après, finalement, ils mêlent tout, là. Ils mêlent tout. Si on regarde les affaires comme l'Ordre du Temple solaire, il y avait plein d'affaires. Puis ça aboutit tout le temps où, ça? Ça aboutit à quoi, ça? Ben, une fois que vous avez servi, ben, il y a un contrat, hein? Il y a tout le temps un contrat. Dans le sens que, prenez ce qui se passe en ce moment dans l'actualité, les Hébreux. On va prendre les Hébreux. Il y a très longtemps. Il a vu qu'il n'était pas capable de se comporter d'une façon parfaite, puis d'être sans tâche, si on peut dire, en collectivement. Ce qui est d'ailleurs un contrat. D'habitude, les contrats, il faut être capable. En tout cas, là, c'est quoi? Il chargeait un bouc émissaire des péchés d'Israël, puis l'envoyait au désert. Il l'envoyait au désert. Ben là, il y a une programmation, il y a un contrat avec quelque chose, là. Puis, tôt ou tard. Tôt ou tard, ça aboutit à quoi? Donc, c'est pas. Moi, quand je regarde les événements d'aujourd'hui, c'est à travers certaines choses. C'est quoi les programmations des peuples, puis tout ça. Puis regardez l'Amérique du Sud. Eux autres aussi, ils ont eu des contrats. Prenez Haïti. La libération d'Haïti commence après, vraiment, après la cérémonie de bois de caïman. Puis il y a des gens en transe qui sont allés se mettre les bras dans des canons pour ramper. Donc oui, il y a une libération, puis tout, mais à quel prix? C'est pour ça que je tiens à parler de certaines affaires, parce que pour vous dire, c'est observez-le, voyez comment c'est insidieux, puis que ça devient de plus en plus fort. Puis, mais la question à se poser, c'est à quel prix, collectivement, sur le long terme, qu'on fait commerce avec l'invisible. Puis à quel point il y a des pentes glissantes, dangereuses. Puis en tant qu'individu, des fois, c'est de rester en retrait de certaines choses, mais tout en les observant. C'est ce que j'avais à dire. Bonne journée.